Vous pensez que les voyages forment la jeunesse? Attendez de découvrir l'opéra. L'abonnement jeune de l'Opéra National de Paris. Trois spectacles de la saison 2021-2022 à partir de 48 euros. Abonnez-vous sur opéradeparis.fr. Rock, rock, rock. We're kicking off another long stretch of non-stop classic rock with only the best of today's rock and roll. This is 100.3 WKIT. WKIT, c'est une des radios que possède Stephen King à Bangor dans le Maine, et la chose a son importance car la radio, pour le maître de l'horreur, c'est d'abord un média qui fait peur. When I was a kid, I was afraid of the dark. Quand j'étais enfant, j'avais peur du noir. Light on in the closet, and I used to tell my mother I had to see. Il fallait que j'aie la lumière là où j'allais dormir. Il fallait que la lumière soit allumée quand j'allais dormir. Et je peux me souvenir très bien que ma mère et mon frère aîné, à l'époque, il y avait des, vous savez, c'était à la radio, il y avait des émissions radiophoniques, des drames à la radio, il n'y avait pas de télé. Et ils écoutaient cette émission qui s'appelait Dimension X. Et moi, j'avais pas le droit d'écouter, parce que ma mère me disait, ah, tu vas rester réveillé toute la nuit, t'as trop d'imagination. Donc, elle fermait la porte, et ils écoutaient la radio. Et moi, j'allais à la porte, et je l'ouvrais tout petit, j'écoutais, la porte entrouverte, et je restais éveillé toute la nuit, parce que j'avais peur. Bonjour Olivia Chevalier. Bonjour Nathalie Vanrette et merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes docteur en philosophie. Vous enseignez la culture générale en classe préparatoire, voie économique à intégrale et philosophie des sciences à l'Institut catholique de Paris. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La philosophie du cinéma d'horreur, effroi, éthique et beauté aux éditions Ellipse. Est-ce que vous pensez comme Stephen King que la radio est un média qui fait peur? C'est le statut de, évidemment, de l'image. L'image peut être absolument terrifiante, surtout quand elle est crue. Mais l'avantage de la radio, c'est que justement, il n'y a pas d'image. Ouais. Et que donc l'imagination peut évidemment amplifier et investir toutes les peurs personnelles, ce qui est un plus empêché par la télévision, ou, enfin l'écran, en général, l'image. On verra d'ailleurs si la radio arrive à transmettre la peur. Le film dont on parle aujourd'hui s'appelle Dead Zone. C'est un film réalisé par Cronenberg, adapté du roman de Stephen King, du même nom. Le livre sort en 1979, c'est son cinquième roman. J'ai dit que vous aviez écrit un livre sur la philosophie du cinéma d'horreur, mais j'imagine que pour autant vous connaissez aussi la littérature d'horreur, en tout cas le roman Stephen King. Oui, le roman, bien sûr. J'ai plus vu des films d'horreur que lu de l'horreur, mais en revanche, oui, le livre est remarquable à ce titre qu'il déploie beaucoup plus d'éléments que dans le film. Mais en revanche, le film est vraiment fidèle. D'ailleurs, on dit que c'est l'adaptation certainement la plus fidèle d'un roman de Stephen King. Shining, là par contre, le grand écart est tout à fait évident. Alors j'ai présenté Stephen King, c'est un lieu commun, une formule consacrée comme étant le maître de l'horreur. Est-ce que vous qui avez travaillé sur le sujet, est-ce que vous pensez que Stephen King est vraiment le maître de l'horreur? Mon problème, c'est que justement, je devrais le comparer à des films. Et donc, eu égard, par exemple, au film qu'est Shining ou Misery, qui sont des adaptations, oui, ce sont des films d'horreur, mais je connais pire en horreur. Ouais. Tout dépend ce qu'on entend, évidemment. Alors, horreur. C'est quoi, justement, l'horreur? Comment vous la définissez? Elle peut être double, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un film vraiment d'horreur, c'est-à-dire qui est cru, ou c'est-à-dire le corps, la chair est atteinte, et surtout, évidemment, le corps et la chair meurtris d'innocents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants représentés dans les films d'horreur et de femmes, hein, qui sont souvent les victimes, car c'est ce qui affecte le plus. Et puis, il y a la véritable horreur, c'est-à-dire celle dont parle le film, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sang dans ce film. Donc, c'est pas à proprement parler un film d'horreur au sens du gore, mais en revanche, c'est un film d'horreur parce qu'il parle de la Shoah passée, et de la Shoah possiblement à venir, celle que Greg Stilson, le méchant politicien, est destiné, si on l'en empêche, à accomplir. Donc l'horreur, ce serait synonyme du pire, au fond, le pire passé ou le pire à venir? Le pire, oui, la destruction. Oui, la destruction de tout être et de la dignité de l'être. Je me souviens qu'un ami me racontait une anecdote qui se passait dans une boulangerie où il faisait très chaud. Et il y avait deux jeunes hommes qui disaient « Oh, c'est l'horreur, il fait trop chaud !» Et la dame qui est devant eux se retourne, elle remonte sa veste, montre un numéro, elle dit « Non, c'est ça l'horreur !» Donc voilà, la destruction de toute chose, de la dignité, Primo Levi, je pense que lui, il a montré plus que l'extermination des vies, que c'était l'extermination de la dignité et donc la non-considération de l'individu et des êtres humains qui étaient finalement la pire chose, c'est-à-dire ce que le penchant au mal a en réalité comme finalité, comme but ultime. C'est ça, dans le cinéma d'horreur, il y a toujours la présence de ce que vous appelez le penchant vers le mal, c'est ça ce qui... Oui, le penchant au mal, oui, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film, puisqu'on a un jeu d'opposition constant entre donc le bien, d'ailleurs que n'incarne pas au départ Johnny Smith, il est bien, c'est un homme bien, mais il ne s'en enorgueillit pas, il n'est pas un prêcheur, il n'est pas un moralisateur, bon. Mais il va malgré lui accepter sa mission prophétique pour faire le bien, du côté de la lumière, et d'ailleurs, ce qui est associé d'ailleurs à la glace, à l'eau chez lui, hein, l'eau étant la vie, et opposé à ces images de destruction qui passent par le feu, donc la mort, la destruction, qui est incarnée par Greg Stilson. Et donc là, on a, à travers deux personnages, incarné le penchant au bien, un peu, encore une fois, un prophète livré, comme dit André Néer dans son livre sur les prophéties, et on a un homme qui voit son destin, mais comme accomplissement hein, tyrannique de son narcissisme absolu, qui conduit à la destruction de toute chose, ouais. Hein, finalement. Et donc on a ce jeu tout le temps entre l'eau, le feu qui détruit, hein, on le retrouve dans la scène la première scène dont on parlera plus tard, la Shoah, puis ensuite cette catastrophe qu'on ne voit pas. On voit que Stilson appuie sur le bouton pour déclencher l'arme nucléaire, mais on ne voit pas ce gros nuage hein, comme il y a sur la pochette. Voilà, vous allez un peu vite, parce que du coup, on ne sait même pas que c'est Greg Stilson. Alors oui, excusez-moi. Je le dis en deux mots avant qu'on écoute un premier extrait, parce que justement, de ce film, généralement, on propose une lecture politique. Ceux qui ont vu Dead Zone, ceux qui ont entendu Stephen King en parler, font le rapprochement entre ce personnage d'un politique qui s'appelle Greg Stilson et Donald Trump, qui sera élu plus tard. Et donc, c'est justement une manière de dire, mais comment les Américains ont-ils pu élire ce type d'énergumène? Eh bien, Stephen King dit en 79, j'avais déjà entrevu que les Américains pouvaient tout à fait élire ce type d'énergumène. Mais vous, c'est pas la lecture que vous privilégiez, Olivia Chevalier. Vous avez une lecture proprement philosophique de ce film. Alors, je vous propose qu'on entre sans plus attendre dans le film. Voici une des premières scènes, parce que finalement, le personnage principal est un prof qui a l'air normal, le mot a son importance. On va y revenir, et qui enseigne à ses élèves un texte d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Corbeau. Voici quelques lignes du Corbeau et puis la scène de cours. Le Corbeau dit « Jamais plus ». Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, par les cieux sur nous épars. Et le Dieu que nous adorons tous deux dit à cette âme de chagrin chargée, si dans le distant Éden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore. Embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Léna. Le corbeau dit « Jamais plus ». Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau ou malin esprit, hurlai-je en me dressant. Recule en la tempête et le rivage plutonien de nuit. Ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse inviolée mon abandon, quitte le buste au-dessus de ma porte, ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Le corbeau dit « Jamais plus ». And the raven, never flitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore. Pretty good, huh? Ok. Vous allez me lire la légende du dormeur du Val. Un truc extra, on y parle d'un enseignant qui est traqué par un hideux démon. Salut. Est-ce que deux profs qui s'embrassent sont passibles de renvoi? On les vire, oui. Une chance qu'on soit à la fin du primaire. Tu ressembles à une de mes étudiantes. Joue le jeu, porte mes bouquins. Ah, j'espère que tu n'as pas de projet pour cet après-midi. Ah, où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, Dead Zone, le roman de Stephen King et son adaptation à l'écran par David Cronenberg sont à l'honneur ce matin dans cette série consacrée à l'anatomie de l'horreur à l'écran. Donc sur les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Olivia Chevalier. Voilà, nous avons fait connaissance avec ce personnage principal qui est donc un enseignant qui enseigne qui enseigne la littérature et qui va ensuite se retrouver dans une fête foraine, et là, en fait, tout de suite commence. Tout va basculer, et on se rend compte qu'il semble souffrir de maux de tête, on sait pas trop. Et on se rend compte que le film a à peine commencé, que déjà, nous basculons. C'est très rapide, en fait, hein, Olivia Chevalier. Dans le film, oui, c'est très rapide. Bien sûr, l'ouvrage traite les choses différemment, puisque dans le livre, on commence par une chute quand il était petit, qu'il oublie. Et là, il est déjà dans le noir. Puis ensuite, il a des prémonitions à nouveau. Lorsqu'il est avec sa petite amie qu'on a entendue, là. Dans l'extrait, il a des prémonitions sur des chiffres, sur la roue de la fortune. Et donc, on devine dans le film ce qui est explicité largement dans l'ouvrage, à savoir qu'il a déjà un mal de tête qui va révéler, en tous les cas, un don plus tard. Et donc, pour vous, c'est un homme normal qu'on rencontre au début du film? Si on considère qu'on ne connaît pas l'histoire, en tous les cas, qu'on la connaît pas. C'est un homme normal, oui, au sens où il n'a pas de vie particulièrement, spéciale. Mais en revanche, on voit qu'il est spécial. Il est diaphane déjà. Son regard, Christopher Walken, est un choix admirable puisque au départ, il est incroyable à l'écran. Oui, voilà. Il y a ce côté déjà presque, vous savez, translucide. Très blanc, avec des grands yeux bleus, perçants, qui voient déjà. Et le personnage est remarquablement choisi. Je pense que Cronenberg a pu faire l'économie de toute la genèse du personnage paranormal qu'il sera, en prenant Christopher Walken comme interprète. Vous pouvez dire que même son physique, son visage, renvoie quelque chose d'un peu étrange, c'est ça? Oui, presque angélique en fait. On se demande... Il n'est pas de cette dimension-là, hein, voilà, la dimension X ou je ne sais, mais il est là sans être là. Hein, on a l'impression toujours qu'il est présent, mais qu'il a toujours un regard ailleurs. Bah, d'ailleurs, il l'ignore lui-même au départ, hein, évidemment. Voilà, dans le film, on ne comprend pas ce qui se passe lorsqu'il est à la fête foraine. La scène d'après, il va ramener sa petite amie à la maison, Sarah, qui va lui demander de rester dormir. Il dit non, je préfère qu'on garde ça pour un autre moment, ce serait leur première nuit ensemble. Il reprend le volant et là, il a un accident de route. Il rencontre qu'il y a un camion-citerne qui lui barre la route. On voit qu'il a un accident, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va le retrouver sur un lit d'hôpital et là, on ne sait pas combien de temps il a dormi. Mais là encore, il y a comme une espèce d'irruption, de rupture total, dont nous ne prenons pas la mesure en tant que spectateurs qui regardons le film, alors que dans le roman, on sait dès le départ que le personnage principal a ces maux de tête qui sont en fait quoi, des hallucinations, des prédictions, comment vous les caractérisez? C'est clairement explicite, enfin énoncé comme prémonition. Donc il à un instant T, donc dans le présent, il voit ce qui va se passer à un instant T plus je ne sais quoi. Mais il ne sait pas, et d'ailleurs, dans le roman, il ne s'interroge pas sur cette faculté-là. Hein, lorsqu'il gagne, je ne sais plus, $500 à la roue de la fortune dans le roman, parce qu'il avait prévu les chiffres qui sortiraient, ça le dérange pas plus que ça. Voilà. Et donc, dans le roman, on sait déjà tout ça. Mais dans le film, effectivement, on va le découvrir peu à peu, enfin assez rapidement finalement, lors de la rencontre avec l'infirmière. Alors comment, dans le film justement c'est un médecin, comment est-ce que cinématographiquement on peut traduire cette sortie du coma, cette plongée dans un état qui n'est pas l'état de veille et le réveil? Écoutez d'abord comment Stephen King lui-même va décrire le réveil de Johnny, écoutez le choix des mots, la façon qu'il a d'insister sur certaines choses plus que d'autres, et puis ensuite le film prendra le relais, et donc assistons ensemble à cette sortie hors du coma qui est en fait le véritable début du film. Johnny était seul et marchait dans un endroit sombre et lugubre. Il se trouvait dans les limbes, dans cet univers entre mort et vivant. Où marchait-il ainsi? Une roue tournait sans fin dans la nuit, la roue de l'avenir, rouge, noir, vie et mort. Sur quoi avait-il misé? Il ne pouvait pas s'en souvenir. Sa propre existence constituait l'enjeu. Il avait fallu choisir. Il se trouvait dans une chambre et entendait d'autres voix. Il s'agissait de voix réelles, parfaitement audibles, et dont il parvenait à comprendre le message. De temps à autre, il lui arrivait d'ouvrir les yeux, à moins qu'il ne s'imaginât le faire. Il voyait celle à qui appartenait la voix. Elle se déplaçait, se penchait sur lui. Des anges, se dit-il. Il était dans l'au-delà, entouré d'anges. Le visage de l'ange se précisa. Sa mère, réclamant sourdement des choses étranges. Son père apparut aussitôt, puis le proviseur du lycée, une infirmière, enfin, qu'il n'était pas sûr de connaître. Le visage de Sarah lui apparaissait, mais elle ne devait pas être présente, puisqu'elle ne se penchait pas sur lui alors qu'il l'attendait. Elle devait être ailleurs, anxieuse et désespérée. Il allait lui demander de l'épouser. Mais son désir d'elle l'emporta et il prit sa décision. Il tourna le dos aux ténèbres et regarda la pièce. Sarah avait disparu. Il n'y avait rien à côté de son lit qu'une chaise d'acier poli et des murs ternes. Une chambre d'hôpital, évidemment, pensa-t-il. Your parents are here. They're right next door. I'm going to bring them in now. Is that okay? Sure. Hi, Mom. Dad. John. Oh, Johnny. C'est un miracle, Johnny. Je sais. J'ai eu beaucoup de chance. Regarde. Aucune trace. C'est notre Seigneur qui t'a délivré de ta léthargie. N'oubliez pas notre conversation, Madame Smith, je vous en prie. Mais de quoi parle-t-elle? Vous avez été dans le coma, Johnny. Et non en léthargie. Le coma. Pendant longtemps. Tu es là, c'est le principal, tout le reste n'a aucune importance. Papa, dis-moi, ça a été long? Presque 5 ans. Et ça fait long 5 ans, tu sais, Johnny. Tu es parti pendant 5 ans. Et tu reviens au monde devant moi. Pendant 5 ans, qu'est devenue Sarah? Chasse cette femme de tes pensées. Elle t'a trahi. Elle s'est accoquinée avec un autre homme et elle s'est mariée. Sarah, mariée? Alors après le personnage de la mère de Carrie dont on parlait hier et cette mère-là, on se dit qu'il y a peut-être un souci ou un lien entre maternité et horreur, justement, chez Stephen King. En tout cas, les deux sont des illuminées religieuses qui traduisent tout en termes fanatiques. Et là, la mère parle de miracle. Pourquoi ce mot a son importance, même si on ne le reprend pas à notre compte, Olivia Chevalier? Alors j'espère qu'on pourra revenir sur la figure ambivalente de la mère, justement, dans le roman. Allez-y, je vous en prie. Oui, mais je réponds d'abord à votre question. Voilà, pour la question du miracle est importante parce que justement, elle permet d'articuler cette dimension politique qui est importante dans le livre, mais qui est en réalité subordonnée à une autre dimension que j'appellerais gnostique. Donc, j'ai parlé de l'affrontement des principes. hein, de principe, bien, mal, on est vraiment dans cette dimension-là, celle que révèlent et qu'énoncent les prophètes dans la Bible, on est vraiment, vraiment dedans d'ailleurs, hein, le roman ne le cache pas, on parle d'Élie hein, dans le roman, enfin Stephen King parle d'Élie notamment. Et en fait, la politique, l'histoire est le terrain de jeu, pourrait-on dire, de ces forces opposées. Donc Johnny, qui malgré lui, va essayer de faire advenir la vie, et en face, donc le politique, Greg Stilson, qui veut faire advenir le mal, donc la mort. Et donc on peut parler de miracle dans la mesure où la prophétie, dans la Bible, est bien vue comme un miracle. C'est-à-dire que les visions que Élie, mais même avant, Moïse, Abraham, et puis ensuite Élie, Amos, Jérémie, etc., ont, se relèvent du miracle et sont bien nommés tels hein, dans la Bible. Et d'ailleurs, il y a un parallèle à faire entre Moïse, Élie, Amos et Jérémie et Johnny Smith dans le film. Et ça, on y reviendra peut-être. Quant à la figure de la mère, oui, j'y reviens parce que la mère de Johnny, elle, est une inspirée, mais elle a vu, effectivement, qu'il avait un destin. Donc, en un sens, elle est elle-même prophète de la prophétie ou de la vocation prophétique de son fils, sans le savoir. Elle est persuadée qu'il a quelque chose d'important, un rôle important à jouer sur cette planète. On a la mère, ensuite, les deux mères, en réalité, de Greg Stilson, du politique, à laquelle on ne fait pas allusion. Enfin, Cronenberg ne fait pas allusion dans le film, mais qui est véritablement bien décrite dans le roman de Stephen King. Il faut dire que dans le roman, Greg Stilson apparaît dès le début. En fait. Il apparaît dès le destin début. Parallèle. Alors exactement. Dans le film, il arrive dans la seconde exactement. Moitié, voire plus tard. Et on voit le parallèle entre la mère de Greg Stilson et la mère du tueur en série dont on parlera tout à l'heure. Ce sont des mères très protectrices de leur enfant, opposées à un père ultra-violent. Et ce qui est amusant, enfin c'est amusant en toute proportion gardée, c'est qu'on a exactement la même enfance chez Hitler. Une mère hyper protectrice, un père extrêmement violent. Et Greg Stilson, dans le roman, est né en 1933, date de l'accession au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Et donc on a cette ambivalence des mères mauvaises parce que protectrices étouffantes en quelque sorte. Hein, dans le roman, eh bien, enfin, on reviendra sur la figure du tueur en série, mais on voit à quel point elle étouffe son fils. Elle le nie en tant qu'enfant, en tant qu'homme. Mm. Et le père violent. Et donc on a cette ambivalence de la mère parce que Sarah, elle, est une bonne mère, certainement, pour son fils. Et la mère de Johnny est une bonne mère, mais en même temps, elle est folle, alliée, oui. En tout cas, c'est ce que le médecin lui dit. Il lui dit bien, mais c'était pas une transe, c'était un coma. Enfin, il y a un souci de vocabulaire. Ah, vous avez raison de dire transe en plus, puisque vous voyez la traduction du film est mauvaise. Léthargie, c'est pas ça. Et une transe, c'est ce qui caractérise justement les prophètes dans la Bible au moment où ils ont leur prophétie. Ah bah, il y aurait toute une émission à faire sur le doublage en français des films, et surtout de Cronenberg, et ça donne, on s'est fait la réflexion en préparant l'émission, que les extraits donnent un côté un peu série B comme ça avec le doublage français. Il y a des bons doubleurs, hein, mais... Dans ce film, hein, quand on l'écoute comme ça, il y a cette dimension-là, et d'ailleurs c'est peut-être un aspect du film qu'on peut évoquer dès maintenant, indépendamment du fond, c'est que le film bien souvent donne l'impression d'être cousu à grosse ficelle. Il y a des scènes qui sont tellement énormes qu'on a du mal à y croire, et on se demande comment Cronenberg, et on est presque à son 10e film, a pu lui-même proposer un film qui parfois semble aussi simpliste dans l'enchaînement des scènes. Est-ce que vous avez vu cet aspect-là, vous ? Non, vous avez un exemple à me donner ? Ah bah oui, quand l'officier de police, quand on raconte le meurtre, comment est-ce qu'il a tué la femme, c'est complètement grotesque. Ah oui, sur... vous voulez dire sur le kiosque, là ? Lorsqu'il est, on peut anticiper. Sur le kiosque, oui. Je pense que c'était difficile à restituer comme scène. Parce qu'en plus, c'est pas une vision du futur, une vision du passé. Donc là, il a affaire, pour avoir cette vision, il doit toucher la victime qui est encore... Il y a des restes de vie, même si elle est morte. Hein, si j'imagine que c'est comme ça qu'il peut avoir cette vision. Mais c'est vrai que c'est un peu gros, oui. Mais comment pouvait-il faire ? En même temps, elle est bien filmée. C'est très beau hein, quand on le voit de dos et on ne le voit qu'à la fin. Donc c'est bien filmé, mais effectivement, c'est un peu... En tout cas, je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme du film, avec ce qui paraît parfois comme des sortes de maladresses, mais qui donne un univers au film qui est absolument fascinant. Il faut comprendre, certains de nos auditeurs n'ont pas lu le livre, n'ont pas regardé le film, il faut comprendre ce qu'on entend par vision. Pourquoi est-ce que depuis le début, on parle de prophétie et de vision ? C'est parce qu'en fait, quand le personnage de Johnny se réveille, il se rend compte qu'en touchant la main d'un personnage, il peut voir quelque chose qui est en train d'arriver, qui lui est arrivé ou qui va arriver, et ainsi donc accéder à une autre dimension de la réalité. Il est doté d'une sorte de super pouvoir. Voici la manière qu'il a de réaliser, de s'en rendre compte, c'est avec la visite de l'infirmière qui vient le voir. Il lui tient la main et là il voit une jeune fille qui s'appelle Amy, qui est prise dans les flammes d'un incendie qui s'est déclaré dans une maison. Et Amy s'avère être la fille de l'infirmière et ainsi il va sauver la vie de cet enfant. Écoutez. Alors que se passe-t-il à ce moment-là, Olivia Chevalier? Est-ce qu'on bascule dans le fantastique? Est-ce qu'on est dans le surnaturel? Dans quel registre sommes-nous? Ouais, c'est vraiment intéressant parce que dans le film, dans le roman aussi, mais puisqu'on est sur le film, concentrons-nous là-dessus, on a cette volonté d'explication scientifique, avec l'aide de la neurologie. Bon, les connaissances de l'époque en 1983 sont plus qu'elles sont aujourd'hui, mais en revanche, on a cette volonté d'explication et l'échec de l'explication. Et de quelqu'un d'aussi rationnel que le professeur Wizak, donc le psychiatre, cette figure très positive, ouais, qui s'occupe de Johnny, renonce à l'explication, hein, en voyant les limites de l'explication scientifique, accepte, hein, qu'il s'agisse d'un miracle. Et alors c'est intéressant parce que c'est un thème, donc c'est le thème de la précognition, hein, donc qui appartient au phénomène de ce qu'on appelle de métagnomie, et qu'on retrouve dans des romans de science-fiction. C'est pour ça que là on est plus dans la science-fiction, il me semble, donc effectivement fantastique, mais ce sont des thèmes qui ont été largement travaillé par Philippe K. Dick, le grand auteur de science-fiction qui a inspiré justement des films remarquables comme Minority Report notamment, mais je pense au roman Ubik par exemple. Mmh. On a vraiment la question de la figure du précog. Alors ceux qui ont vu ou lu Minority Report, c'est exactement ça, et je vais spoiler, désolé. On a des précogs, c'est-à-dire des individus qui peuvent voir ce qui va se passer, et dans le roman ou dans le film de Spielberg, on se fie au rapport majoritaire, ils sont trois précogs, c'est-à-dire aux deux qui ont une vision, la même vision. Mais est négligé le troisième précog qui, lui, a une vision différente des deux autres. Mm-hmm. Le Minority Report, le rapport minoritaire. Et là, on va retrouver un thème, le thème de la contingence, mais ça, on en parlera plus tard. Les visions ne sont pas des visions de quelque événement nécessaire à venir. Mais il y a de la place pour la contingence, ce que dans le film, on appellera dead zone, et qui correspond à autre chose dans le roman. Et donc c'est vraiment intéressant, on est vraiment aux frontières donc du fantastique, de la science-fiction, vraiment au sens dickien du terme, le plus fort, et effectivement l'horreur, le thriller, c'est vraiment un film riche parce qu'il mélange plein de thèmes, et donc plein de dimensions, plein d'axes, plein d'approches qui me semblent très très riches. D'autant que dans l'extrait qu'on a entendu, lorsqu'il visualise cette petite Amy en train de brûler à la maison, ce qui est très troublant, donc il y a une espèce de... Le montage fait qu'on voit tantôt Amy, tantôt son visage, lui, en train de voir Amy, mais ça, on sent que c'est le même degré de réalité. On se dit pas c'est un rêve, on se dit pas tiens c'est le futur, ça arrive simultanément et à l'image c'est très bien montré ça. Ah oui, Cronenberg n'a pas voulu justement dissocier les scènes de vision, qu'il s'agisse du passé ou de l'avenir, ou du présent pas, qui peut venir très tôt, il n'a pas voulu dissocier au niveau donc, de l'image, et ça permet de vraiment de montrer que c'est de la réalité qui peut advenir, qui est en train d'advenir, enfin qui est en train d'arriver, et qui peut advenir. Et donc ça, ce n'est pas encore arrivé, mais ça appartient à une réalité possible. Donc on a le plan des futurs contingents, dirait Aristote. On a ce plan-là, c'est contingent, c'est futur, mais ça appartient à une certaine réalité. Alors, ce n'est pas dit dans le film ni dans le roman, mais on pourrait dire en quelque sorte que les visions qu'a Johnny, ce sont des visions du monde, d'un des mondes possibles à venir à partir du moment où il a la vision. Et à partir du moment où il a une vision, on a une sorte de bifurcation qui apparaît, ça, et donc qui laisse la place à la contingence. Donc c'est-à-dire que, voilà, c'est ça, il y a une marge de manœuvre au fond, il y a, vous parlez de possible et pas de nécessaire, ça veut dire qu'il pourrait en être autrement, en aller autrement, mais, alors ça c'est ce qu'on voit dans la suite du film, mais oui. Au moment où il voit Amy en train de brûler, elle est vraiment en train de brûler, c'est pas le futur. Exactement. Là. Elle est vraie. Oui, oui, là il voit ce qui est en train de se passer. Hein, oui, oui, tout à fait. Et là, on voit qu'il y a de... ce phénomène d'empathie, en fait, ouais. Il arrive à se mettre à la place d'eux, puisque, alors c'est mieux marqué dans le roman, mais dans le roman, il prend la voix, vous savez, comme les médiums, il prend la voix de la personne dont il voit, soit le passé, le présent ou l'avenir. C'est moins marqué dans le film. Et dans le film, il se contente de tenir la main. C'est intéressant aussi que ça passe par l'organe de la main. Chez Cronenberg, il y a toujours un organe qui est mis en avant. Ah oui, l'importance du corps. D'ailleurs, le corps de Johnny faiblit et transpire énormément à chaque fois qu'il a ces visions-là. Et c'est toujours avec la main dont il s'étonne qu'elle soit intacte quand il se réveille du coma. Il se dit, tiens, mais ma main, mon bras, il n'y a même pas de point de suture. Ouais. Et au fond, finalement, c'est avec cette main-là qu'en touchant un autre corps, il va pouvoir voir ce qui est en train de se passer dans la tête de cette personne ou dans la vie de cette personne. Oui, c'est vraiment doublement intéressant, parce que d'une part, effectivement, on voit que Johnny est tout neuf, reborn, hein, c'est dit, il renaît, donc il revient d'entre les morts. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais le rôle de l'amour est extrêmement important, puisque c'est finalement la vision de Sarah qui lui donne envie de sortir, de tourner le dos aux ténèbres. Mm-hmm. Donc c'est l'amour qui relie à la vie. Et d'autre part, on voit justement chez Cronenberg l'importance du corps, c'est-à-dire cette vision qui a une correspondance, une sorte de parallélisme, on pourrait presque dire qu'il y a un spinozisme de Cronenberg, qui est que l'affaiblissement, enfin la force, l'exploitation trop puissante de l'esprit affaiblit le corps. Ce qui se passe dans l'un se passe dans l'autre. Mmh. Et on voit bien que l'épuisement de son esprit correspond effectivement à un épuisement parallèle de son corps. Et l'importance du corps chez Cronenberg, on le voit dans tous les films, que ce soit dans La Mouche, que ce soit dans Faux-semblant, notamment, hein, l'importance de la singularité en plus, des corps singuliers. C'est pas le corps en général. C'est-à-dire ? C'est le corps individuel. C'est le corps de Johnny qui correspond à son esprit. Dans Les Faux-semblants avec Jeremy Irons, qui joue le rôle de deux gynécologues jumeaux, il y a aussi là l'attention portée à la singularité du corps. Non, on ne parle pas du corps comme masse en général, c'est toujours un corps singulier dont Cronenberg traite. Mais bon, c'est un autre sujet, j'imagine. Non, justement, on est en plein dedans, parce que c'est exactement ce qui se passe avec Johnny, qui donc, et je vous propose qu'on écoute l'extrême maintenant, parce que là, on est au cœur du film et au cœur de l'interprétation philosophique, d'ailleurs, que vous pouvez en proposer, Olivia Chevalier, va réaliser que dans les visions qu'il a, il y a une petite partie de cette vision qui paraît un peu floue. C'est ce qu'il appelle, en parlant à son psychiatre, la dead zone. Il y a une zone morte, il y a une marge, une part d'ombre qu'il n'arrive pas vraiment à visualiser. Et si cette dead zone était précisément l'incarnation du possible, était la preuve qu'il pouvait influencer l'avenir qu'il voit lors de ses visions. Pour ce faire, il prend l'exemple d'un jeune étudiant, d'un jeune élève qui l'a sauvé d'un accident de hockey. Il avait vu que s'il allait jouer au hockey, la glace allait se briser, qu'il allait se noyer. Ça, c'est dans le film. Dans le livre, c'est encore autre chose. Et il arrive à sauver cet enfant. Si bien qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose, il a un moyen d'action, il ne fait pas que subir ce qui va se passer. Et c'est le sens de cette fameuse dead zone. Écoutez l'extrait. In the vision, there was something missing, or something I couldn't see. How do you mean? I don't know, it was like a blank spot. Dead zone. Si vous étiez à même de remonter le temps, de revenir en Allemagne par exemple, avant que Hitler n'arrive au pouvoir, et sachant ce que vous savez, que feriez-vous? Est-ce que vous le tueriez? Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Vous teniez à me poser cette question. J'ai vécu un autre épisode. Ah ben, je vous écoute. Je donnais des leçons à un élève, le petit Stuart, et au cours de la vision, j'ai vu l'enfant se noyer, je l'ai vu mourir. Toutefois, la question n'est pas là. Dans cette vision, il y avait une pièce manquante, ou du moins enfouie. Je comprends mal. Une sorte comme un point mort, une zone neutre. Mais avant tout, dites-moi, est-ce que l'enfant s'est vraiment noyé? Vous dites que vous l'avez vu se noyer. Non. Son père voulait l'emmener jouer au hockey, je lui ai dit de ne pas y aller, et le petit est vivant. Eh bien, vous voyez, John, les choses deviennent maintenant très claires. D'un côté, vous voyez l'avenir, et de l'autre je côté... Je peux changer. Vous le changez, c'est ça. Le voilà, votre point mort. La faculté d'infléchir le déroulement de vos prémonitions. Vous n'avez pas répondu à ma question, Sam. À propos de Hitler. Vous tueriez cet homme? J'exerce une profession médicale. Par le serment d'Hippocrate, je me suis engagé à soulager la souffrance des gens. J'aime mes semblables. Néanmoins, dans ce cas de figure, aucun choix n'est possible. Moi, je tuerais cette espèce de monstre. Vous n'en sortiriez pas vivant. Aucune importance. Je le supprimerai. Nasdorovie, Skoll. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Dead Zone, le roman de Stephen King ce matin, et le film de Cronenberg dont vous venez d'entendre un extrait en compagnie de la philosophe Olivia Chevalier. Cette Dead Zone, ce point mort, c'est traduit en français, ce point aveugle, on dirait, hein, c'est peut-être un peu plus juste. En tout cas, est la marque de la possibilité d'infléchir le cours des choses. Cette révélation a quelque chose de vertigineux et de très très très fécond. D'ailleurs, le personnage pose la question. On peut aller jusqu'à se dire, mais si tu avais assisté à l'ascension d'Hitler et que tu avais eu les moyens de le tuer, est-ce que tu l'aurais fait? Qui est une question qu'on peut se poser parfois de manière rhétorique pour essayer de mesurer le courage ou l'investissement, l'engagement politique des gens. Au fond, là, la question est vraiment à prendre au sérieux. C'est ça qui est fou. Oui, c'est intéressant parce que c'est là peut-être qu'on voit la différence des prophéties dans la tradition biblique et païenne, enfin gréco-romaine, c'est que les prophètes bibliques pensent qu'avec leur vision, ils peuvent, certains d'entre eux, changer les choses. C'est-à-dire, j'ai eu telle vision, alors il faut que vous fassiez ceci ou cela, vous réformez moralement, la rédemption, etc. etc. Donc il y a une possibilité d'agir sur le comportement des gens. En revanche, bon, bah, est-ce que Oedipe peut échapper à son destin? On voit que c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est une première chose. Et donc, la possibilité de changer les choses fait qu'une mission qu'il avait déjà acceptée, il va la mener jusqu'au bout. Donc, alors, je ne peux pas trop anticiper peut-être sur la suite, mais il ne fait pas de doute. En plus, c'est intéressant parce que Herbert Lom, donc, qui interprète le psychiatre Isaac, ouais, est lui-même un enfant rescapé. Donc, il y a fort à parier que Cronenberg ait fait ce choix vraiment sciemment. On le connaissait, Herbert Lom, pour être l'inspecteur exaspéré qui suit Peter Sellers dans les enquêtes La Panthère Rose. Mais là, il a un rôle beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave. Et donc, c'est là qu'on revoit la parallèle. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. On connaît le problème des paradoxes temporels. Hein, avec Terminator, on s'en sort pas. Ou avec Tenet, hein, récemment, avec Nolan, on s'en sort pas. C'est pas possible. Barjavel l'avait déjà montré. Mais en revanche, changer l'avenir, ça devient une possibilité. Et cette ouverture, finalement, hein, et l'accomplissement de la vision de Johnny. Alors, considérant la situation de Chuck, l'enfant qu'il sauve, ce qui est intéressant, c'est que dans le roman, il échappe à un incendie. Oui, dans le roman, l'enfant est beaucoup plus âgé, il fait sa graduation, ouais, et c'est un bar qui va brûler. Qui va brûler. Et là, on a pas encore un match de hockey. Voilà. Ouais. Et là, Cronenberg est assez infidèle à King, qui a voulu quand même, King, rester assez cohérent sur ce qui détruit, c'est le feu. Et là, c'est la glace. Alors peut-être que Cronenberg a fait ce choix parce que ce Chuck en question et l'enfant, la figure de l'enfant en général, ouais, dans le roman ou dans le film, est extrêmement positif. L'enfant est valorisé, il est une figure positive. Donc, comme l'eau est synonyme de la vie, il est possible que Cronenberg ait voulu associer Chuck à l'eau tout en réchappant justement à cette noyade. Et on voit bien l'enfant de Sarah. Danny, c'est ça. Puis Chuck, qui s'appelle Chris, hein, dans le roman, sont positifs. Et on sait, par le roman, que le pauvre petit futur tueur en série, dont on parlera plus tard, Frank, ainsi que Greg, étaient des enfants malingres qui ont été maltraités. Et, en ce qui concerne Frank, on le verra, maltraité par la mère, hein, qui lui mettait une pince sur son pauvre petit pénis qu'elle voulait, en quelque sorte, faire disparaître. Ça, c'est dans le roman. Et donc, c'est des enfants qui, au départ, sont gentils. Ils n'ont pas, ils ont une sorte de neutralité. Ce ne sont pas des enfants qui sont nature born killer. Voilà. Bascule vers le mal. Et, ouais, c'est et ça. Là, effectivement, c'est la figure du père pour Stilson. Et puis, c'est la figure également du père et de la mère castatrice pour Frank, dont on parlera plus tard. En tout cas, Greg Stilson, il faut y arriver maintenant, parce que si Johnny pose à son psychiatre la question de savoir ce qu'il aurait fait s'il avait pu tuer Hitler, c'est parce que lui-même a entrevu que le candidat populiste qui brigue un siège au Sénat des États-Unis et qui veut devenir président des États-Unis, Greg Stilson, eh bien, s'il accédait au pouvoir, allait commettre le pire, allait actionner le bouton qu'allait déclencher la bombe nucléaire et donc provoquer l'apocalypse. C'est là où il se trouve. Et donc, il se dit, faut-il que je tue cet homme pour sauver l'humanité? Et donc, il demande au psychiatre, si toi, est-ce que tu avais pu tuer Hitler, est-ce que tu l'aurais fait? Et d'ailleurs, à la fin, il lui dit, mais t'aurais été puni pour ça, t'aurais été mort. Il dit, bah oui, mais alors là, vraiment, ok, je serais mort avec plaisir si, par ailleurs, j'avais réussi à éliminer Hitler. On est là dans les espèces de dilemmes éthiques dans ce qu'ils ont sans doute d'insoluble, en tout cas de plus profondément éthique. Je vous propose qu'on écoute un extrait justement qui va vous présenter le personnage de Greg Stilson dont on n'a pas assez parlé, qui va vous rappeler certaines choses. I'm Greg Stilson, just thought I'd stop by here on my way to the U.S. Senate. Croyez-moi les amis, il faut la super forme, la super pêche pour affronter les gros formats là-bas à Washington. Et quand on tient la super frite, il faut mettre la pression avec une poigne ferme. Il faut être en meilleure forme que notre pays, parce que, nom de Dieu, le pays va à boulot. Vous qui êtes là, vous pouvez me dire ce qui se passe chez nous? Drain the swamp. My worry at the time that I wrote the Dead Zone. Ma préoccupation quand j'ai écrit Dead Zone, c'était que quelqu'un comme Greg Stilson pourrait être vraiment élu et monter jusqu'à être président des États-Unis. Et à ce moment-là, déclencher la Troisième Guerre mondiale. Si j'avais vraiment connu l'avenir, j'aurais fait dire à Stilson, j'ai un bouton, il est plus gros que votre bouton. My button is bigger than yours and my button works. My destiny. I don't think that I necessarily predicted Donald Trump when I wrote The Dead Zone. Je ne pense pas avoir prédit Donald Trump quand j'ai écrit Dead Zone. Je sais que les électeurs américains ont toujours été attirés par les gens hors système, avec une politique de droite du genre l'Amérique d'abord. Et si ça rappelle Trump, je ne peux pas en être désolé, c'est un personnage que j'ai écrit. C'était un de mes croque-mitaines. Et je n'avais pas vraiment envie de le voir sur la scène politique américaine. Mais apparemment, on a un Greg Stilson, président des États-Unis. Alors, Olivia Chevalier, est-ce que le Greg Stilson annonce le Donald Trump qui arrivera beaucoup plus tard? Écoutez, heureusement, on n'a pas eu besoin de Johnny Smith pour savoir si vraiment ça collait. Oui, Donald Trump, il incarne plus généralement, et Stilson donc, le démago narcissique qui, par soif de pouvoir, serait prêt à détruire certainement... beaucoup de choses pour satisfaire son ego. Alors cette dimension, j'avais dit au départ que c'était secondaire, mais encore une fois, c'est important. Hein. On a chez nous aussi, alors ils sont un peu moins importants parce qu'ils sont pas présidents, mais on a chez nous aussi des gens qui ont un grand ego et qui disent des choses qui peuvent ressembler démagogiquement à ce que dit Stilson. Hein. Mais donc je pense que tous les pays ont ce genre à un moment donné de clown dangereux, de clown très dangereux, comme dans ça, vous voyez. En tous les cas, oui, sur le terrain de la politique, encore une fois, se joue quelque chose de plus important, c'est-à-dire la haine contre la volonté plutôt d'harmonie. Hein, vous savez, quand Freud, vous connaissez évidemment ce texte, dit à la fin de Malaise dans la civilisation, de la confrontation et de la victoire entre Eros, en fait le penchant au bien, à la cohésion, et Thanatos, le penchant au mal, la destruction, voilà ce dont dépend notre avenir. Lequel des deux, et on est incapable de le dire, va gagner. Et ce qui est intéressant, c'est que Johnny Smith, lui, a pu faire gagner Eros contre Thanatos. Et encore une fois, la figure du politique, Stilson, c'est cette figure, cette incarnation de Thanatos qui... peut exterminer jusqu'au dernier. Mais pourquoi est-ce que la dimension politique, enfin dans le film, elle paraît secondaire? Parce que on a l'impression que c'est une partie du scénario qui est là. C'est un candidat qui se présente. Surtout, on apprend que Sarah, qui était la petite amie de Johnny avant qu'il ait son accident, a épousé quelqu'un qui est en campagne aux côtés de Greg Stilson, avec qui elle a eu un enfant. C'est presque anecdotique, alors que la dimension politique, elle paraît beaucoup plus importante que ça, non? En tout cas, dans le roman. Oui. J'ai certainement mal exprimé. C'était que la politique, c'est le terrain de jeu, cet affrontement. Mmh. Voilà pourquoi la politique est importante. Non, mais je dis que dans le film, on ne voyait pas tant que ça. Oui. Alors, en plus, dans le film, la pauvre Sarah, elle... et son mari soutiennent Stilson, ce qui n'est absolument pas le cas dans le roman. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, je pense qu'il a voulu... Cronenberg a voulu simplifier un peu l'intrigue qui était plus complexe chez King. Oui, mais en même temps, on comprend que même quelqu'un de bien, comme Sarah, peut être séduit par un discours qui fait appel au courage. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement compris comment, en plus, un professeur puisse se laisser charmer par un démagogue. Mais bon, ça, c'était une petite question que je me posais par rapport au film. Plus psychologique. Ouais. En tout cas, à la fin du film, encore une fois, on révèle la fin du film, peut-être pas tout d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé et comment le personnage s'y prend, mais il y a quelque chose de vraiment fascinant avec cette fin, c'est que King va choisir de mettre Johnny dans la position du sniper. Et ça, c'est très important pour King, qui est fasciné aussi par la mort de Kennedy, qui a écrit sur le sujet. Il dit finalement, depuis l'assassinat de Kennedy, tous les Américains redoutent la présence du sniper qui est là, qui peut tuer quelqu'un. Et finalement, Johnny, pour sauver l'humanité, va se retrouver dans cette même position du sniper. Oui, c'est... Mais cette fois-ci, le bon sniper. Il élimine la bonne personne. Une espèce de conjuration rattrapée, quoi. C'est rattraper, inverser les choses, rattraper en quelque sorte ce qui s'est passé avec Kennedy. Pardon, c'est tout ce que je... Bah alors, vous voulez qu'on écoute l'extrait? Voilà, pardon, excusez-moi. Le voici. Dear Sarah, this is a hard letter to write, so... I'll try to make it short. I can't go on hiding anymore. That's what I've been doing. Running and hiding. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Avant, je trouvais que mon don était une malédiction. Mais là, c'est une bénédiction. Enfin, au moment où tu recevras cette lettre, tout sera fini. Tu ne comprendras jamais pourquoi. Ni personne d'autre, d'ailleurs. Mais je sais ce que je fais. Je vous dis à tous un grand merci du fond du cœur. Merci d'avoir appuyé à faire ma campagne. Grâce à vous, cette campagne, la plus controversée, la plus discutée, est aussi la plus importante et la plus extraordinaire de l'histoire de cet État. Alors vraiment à tous un très grand merci. La victoire de l'amour sur la guerre, ça fait presque cérébral hein, quand on le dit comme ça. Et pourtant, quand on regarde le film, alors encore plus quand on lit le roman, il y a quelque chose d'absolument poignant. Racontons ce qu'on n'a pas pu voir, Olivia Chevalier, qui est vraiment très important, c'est que pour se protéger du tir de Johnny, le candidat Greg Stilson va s'emparer d'un bébé qui est à côté de lui un très très jeune enfant, et le mettre devant son corps de manière à ce que le tireur ne puisse plus le tuer. Il se sert du bébé comme d'un bouclier. Un photographe présent dans l'assemblée va appuyer sur l'objectif à ce moment-là, qui ça fera la une de tous les journaux. Le futur président, soi-disant en tout cas le candidat, veut se protéger à l'aide d'un bébé, donc son avenir est mort. Et Johnny le sait avant de mourir parce qu'il peut lui reprendre la main. Il sait que c'est bon, le pire n'arrivera pas. Oui, et ça, je trouve que c'est vraiment une scène très touchante parce qu'effectivement... elle est abominable, cette scène, vous voulez dire. Oui, non, mais parce qu'il prend justement la vie, l'innocence, l'enfant, hein, cette figure positive, pour se protéger, c'est-à-dire qu'il veut bien sacrifier la vie. Encore une fois, on est dans la logique de la destruction intégrale, et ce qui est très bien, c'est que le mal absolu qu'il incarne à ce moment-là, Stilson, finit par s'autodétruire. La logique de la destruction qui arrive à son terme et qui se résout bien, c'est-à-dire que le destructeur se détruit lui-même. D'où les scènes de suicide. On n'a pas pu parler de Frank Dodd, malheureusement, qui incarne le mal quotidien, le mal banal, mais lui aussi se suicide et c'est extrêmement bien. Donc, on pourrait reprendre effectivement le Deutéronome. Entre la vie et la mort, tu choisiras la vie. La vie et même l'amour, là, parce que finalement, ce qu'on découvre à la toute fin du film, c'est que Sarah, qui s'était remariée, lui dit qu'elle l'aimait dans le film, d'ailleurs, et je suis pas sûre que dans le livre, elle va s'offrir directement à Johnny quand elle comprend qu'il est en vie, elle vient avec son fils. C'est très important. Oui, parce que ce moment-là, au moment où ils ont donc une relation, ils s'unissent, voilà. Ils font l'amour. Très bien, le mot est dit. C'est à ce moment-là qu'il va accepter sa mission prophétique. Mmh. C'est-à-dire qu'il va décider, comme Weizak, comme le psychiatre, de sauver des vies. Et ça, c'est vraiment, il me semble, très important. Et ce qui est aussi important, c'est, je vais revenir sur Amos, le prophète, malheureusement considéré comme petit prophète, Amos, qui identifie le bien, enfin la vie au bien, la mort au mal. Et je pense que cette dernière scène, que le film se termine par « Je t'aime », c'est bien la victoire de la vie sur la mort et donc sur le mal et la destruction. Bien sûr, victoire temporaire, puisque l'histoire des hommes est tissée par ce conflit entre ces différentes tendances opposées. Et au moins, il a, à son échelle, contribué donc à faire triompher la vie, dont le corps est là et l'amour. Rappelons que dans le roman, le sacrifice est moindre parce qu'il est condamné. Il se sait condamné. Une tumeur pousse dans l'espace de son cerveau, justement, qui lui permet d'avoir des visions. Donc, en quelque sorte, il n'a pas grand-chose à perdre. Alors que dans le film, c'est pas du tout aussi clair que ça. Il décide vraiment de se sacrifier pour sauver l'humanité. Oui, mais la scène qui se passe dans la cuisine avec le docteur Weizak, lui dit « il faut plus de médicaments ». Et Johnny lui dit « non, vous savez très bien que ça empire ». Donc là, Cronenberg nous a laissé penser qu'il allait finalement s'épuiser. Et finalement, vous savez, il devient de plus en plus maigre, il est de plus en plus malade avec les traits tirés. Et voilà, il va redevenir angélique, quoi. Son corps va disparaître. Merci beaucoup, Olivia Chevalier, d'être venue nous parler de ce roman de Stephen King que vous pouvez trouver au livre de poche, de ce film de Cronenberg que vous pouvez trouver également, qui est disponible en DVD sur certaines plateformes. Je renvoie les auditeurs à votre livre, La philosophie du cinéma d'horreur, effroi, éthique et beauté, qu'on trouve aux éditions Ellipse. On se quitte avec la playlist de Stephen King, comme chaque jour cette semaine. Aujourd'hui, c'est Danny and the Juniors, Do the Bop at the Hop. On est bien loin du cinéma d'horreur. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que c'est la cancel culture ? Allons peut-être par là où elle est le plus visible et ses manifestations les plus spectaculaires dans le champ de la statuaire urbaine. Je me souviens d'un beau livre de Cocteau qui tentait peut-être de faire oublier par là son amitié avec Arnaud Brecker, un livre à la gloire des statues détruites sous l'occupation nazie. Ça ressemblait à la porte de l'enfer de Rodin avec des morceaux de bras et de tête dans tous les sens. Ce chaos entreposé je ne sais plus où était essentiellement destiné à être fondu, moins à la demande de l'occupant d'ailleurs qu'à celle de Vichy qui voyait là l'occasion idéale de faire sa révolution nationale tout en faillotant avec l'Allemagne, question matière première. Alors les fascistes d'aujourd'hui, on l'entend, s'en prendraient aujourd'hui à Voltaire, à Colbert ou à Jules Ferry, tous des héros nationaux, tous des personnages qui entretiennent des rapports peu clairs à l'esclavage et à la colonisation. Et après tout, pourquoi pas? Le seul vrai bien dans un pays démocratique, c'est la dialectique. Arracher ces statues au néant où elles survivent péniblement et les rendre à l'histoire en train de se faire, pourquoi pas? Ce n'est pas spécialement pire après tout que les pluies acides ou que la corrosion due aux fientes de pigeons. Et ça a le mérite de remettre les personnages historiques ainsi représenté sur l'échiquier politique contemporain. La tête de Nixon dans Futurama échangerait volontiers un nouveau corps contre un second Watergate. Étonnante surprise pour les adversaires autoproclamés de la soi-disant cancel culture qui se fantasment en démocrate exemplaire, l'espace public, au sens géographique du terme, redevient sous leurs yeux un espace public au sens politique. Mais est-ce que ce qu'ils reprochent, c'est pas plutôt l'absence de débat et que n'importe qui peut renverser la statue de son ennemi politique du moment. Convenons peut-être d'abord que la statuaire urbaine est un art plutôt en déclin, contrairement par exemple au street art qu'on a vu plusieurs fois, notamment à l'occasion de panthéonification, accéder au statut d'art officiel. En vérité, les statues nous ennuient, comme les kiosques à musique ou les discours du 11 novembre, plus personne ne les regarde vraiment, et il faut en général ou bien Jeff Koons ou bien des attentats à la peinture rouge pour qu'on daigne s'y intéresser encore. Combien de militaires oubliés ont vu leur carrière relancée d'avoir été pris un instant pour le capitaine Ahab en personne. Les statues, c'est un fait, étaient depuis longtemps sorties de l'espace public du regard. Elles dormaient, mais leur sommeil était plus agité qu'il n'en avait l'air, car ce que les débats les plus vifs de moment sur le général Bugeaud en France ou sur Christophe Colomb en Amérique ont révélé, c'est que ces statues, à défaut d'être vraiment regardées, nous empêchaient de voir. Expliquez-nous ça. On connaît la fameuse réflexion de Benjamin dans ses notes sur le concept d'histoire. Si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sécurité. Mais Bugeaud et Colomb ont eu leur siècle de gloire, tandis que leurs victimes demeuraient éclipsées dans leur cône d'ombre. On dit de notre façon d'envisager l'histoire qu'elle est victimaire. Il s'agit tout au plus de laisser s'exprimer, après les idéaux aux yeux crevés de ses conquérants, la plainte de leurs victimes oubliées et ses statues qu'on renverse. C'est un dernier souffle, leur dernier souffle, comme un vent venu des profondeurs de l'histoire qui s'en charge. Ainsi, chaque statue qui tombe aujourd'hui vient nous rappeler que la porte du temps n'est jamais tout à fait fermée. Et alors que les forces historiques se déchaînent à nouveau autour de nous, cette façon très lente qu'ont les statues de revenir à la vie juste le temps qu'on les achève, le temps qu'elles tombent de leur piédestal, nous procure l'une des rares joies politiques de la période. Nous pourrions bien mourir, être cancellés par un papacito quelconque, mais nous savons que la main imparable du temps est déjà posée sur l'épaule de notre éphémère vainqueur. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, c'est Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Stephen King et de son anatomie de l'horreur à l'écran. Demain, enfin, Shining. Shining ou la terreur du confinement. C'est Anne Goliolété qui viendra vous proposer sa lecture et son analyse du roman et du film de Kubrick. Rendez-vous demain à 10h, donc d'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, qui vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi en podcast, en téléchargement. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On est toujours ravis de vous y croiser et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.